rester les States. J'avance seul, besoin d'aucun mec. Je sors la robe signée Dolce, mes petites paires italiennes. Parfum de chez Montal et un peu de rouge à lèvres. Femme fatale, direction la capitale. Oh, messieurs du calme, si tu me dragues, je me fâche. Oh, je sais que j'ai du charme. Calme, calme, calme, calme-toi. J'ai pas le time, je sais même pas où je vais aller, Graia. Je suis pas une meuf comme tout le monde, je suis pas une meuf banale. Que je sois mince ou bien ronde, moi je suis une femme fatale. Je suis pas une meuf comme tout le monde, je suis pas une meuf banale. Que je sois mince ou bien ronde, moi je suis une femme fatale. Oh, femme fatale, je répète, pas une meuf banale. Oh, femme fatale, je répète, pas une meuf banale. Quand je veux prendre le large, loin du stress de Paname, tu peux me voir à Dubaï ou sur Hollywood Boulevard. Toujours préparé avec deux, trois copines. On va faire le tour du globe, globe, globe, easy. Oh, femme fatale qui ne peut pas rester en place. Oh, que des bombasses, pas besoin de toi, crevard. Oh,